désavoués, la cité oubliée. L'équipé solitaire vers la belle étrangère, je traîne derrière, prends sa prisonnière. L'équipé solitaire vers la belle étrangère, je traîne derrière, prends sa prisonnière. Ça le fait traîne, marée sordide, pour les arbres, explorateurs pervers, explorateurs pervers, explorateurs pervers. Jeanne et Carrie, le héros a ravi la femme de sa vie. Elle dans ses bras, elle crie prends-moi. Mais dans son trou étroit, il a mis un boa. Elle dans ses bras, elle crie prends-moi. Mais dans son trou étroit, il a mis un boa. Jungle putride, marée sordide, pour les arbres, explorateurs pervers, explorateurs pervers, explorateurs pervers. Explorateur pervers, explorateur pervers, explorateur.